Chak fwa mwen vwe an siel plen zetwal, mwen sav, se vou. Mwen si zè la ka konstate ke sa plen l'amou. E si anjou ou vin disparet, mwen ke vin fou. Alors souple kontinye klere pou mwen an gou. Pari le jane an wè istwa nou de kavi. Mem si ou toujou si elwanyè, lòv an mwen tout pre. Summon!